Nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés. Nous aurions souvent honte de nos plus belles actions si le monde voyait tous les motifs qui les produisent. Le refus des louanges est un désir d'être loué deux fois. La clémence des princes n'est souvent qu'une politique pour gagner l'affection des peuples. Cette clémence, dont on fait une vertu, se pratique tantôt par vanité, quelquefois par paresse, souvent par crainte, et presque toujours par tous les trois ensemble. Le mépris des richesses était dans les philosophes un désir caché de venger leur mérite de l'injustice de la destinée par le mépris des mêmes biens dont elle les privait. C'était un secret pour se garantir de l'avilissement de la pauvreté. C'était un chemin détourné pour aller à la considération qu'il ne pouvait avoir par les richesses. La sincérité est une ouverture de cœur. On la trouve en fort peu de gens, et celle que l'on voit d'ordinaire n'est qu'une fine dissimulation pour attirer la confiance des autres. Ce que les hommes ont nommé amitié n'est qu'une société, qu'un ménagement réciproque d'intérêts et qu'un échange de bons offices. Ce n'est enfin qu'un échange où l'amour-propre se propose toujours quelque chose à gagner. Ce qui paraît générosité n'est souvent qu'une ambition déguisée qui méprise de petits intérêts pour aller à de plus grands. La magnanimité méprise tout pour avoir tout. Rien n'est plus rare que la véritable bonté. Ceux même qui croient en avoir n'ont d'ordinaire que de la complaisance ou de la faiblesse. Nul ne mérite d'être loué de bonté s'il n'a pas la force d'être méchant. Toute autre bonté n'est le plus souvent qu'une paresse ou une impuissance de la volonté. Pendant que la paresse et la timidité nous retiennent dans notre devoir, notre vertu en a souvent tout l'honneur. La faiblesse est plus opposée à la vertu que le vice. La faiblesse est le seul défaut qu'on ne saurait corriger. L'humilité est la véritable preuve des vertus chrétiennes. Sans elle, nous conservons tous nos défauts. Ils sont seulement couverts par l'orgueil qui les cache aux autres et souvent à nous-mêmes. L'humilité est l'autel sur lequel Dieu veut qu'on lui offre des sacrifices. On n'a guère de défauts qui ne soient plus pardonnables que les moyens dont on se sert pour les cacher. Nous gagnerions plus de nous laisser voir tels que nous sommes que d'essayer de paraître ce que nous ne sommes pas. On doit se consoler de ses fautes quand on a la force de les avouer. La parfaite valeur est de faire sans témoin ce qu'on serait capable de faire devant tout le monde.